Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce mardi dont voici les principaux titres. Des propriétaires des parcelles transformées en sites de déplacés pendant la crise des années 90 disent s'inquiéter de leur sort après l'annonce du ministère de l'Intérieur relative à la transformation de ces sites en villages dopés. Et des habitants de la province Ngozi déplorent la hausse du prix du ciment Buseko et demande sa régulation. Toutefois, le directeur général du commerce rassure que la production de l'usine Buseko est satisfaisante. La chronique santé de ce mardi par les documents sauf fait, le traitement en cas de déficit immunitaire. Voilà pour les titres. Vestine Auto, je suis à la présentation. Et Metou Samite vous assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Rebonjour. Le parti Pronas a lui le pas franchi dans l'instauration du système démocratique au Burundi à l'occasion de la journée internationale dédiée à la démocratie. Olivier Nkurunziza, porte-parole de ce parti, trouve cependant qu'il y a des lacunes à corriger au niveau du système judiciaire et de la société civile. Selon lui, la démocratie ne se limite pas aux élections. Suivez-le. On a déjà commencé un système démocratique au Burundi. Mais le système démocratique, ce qu'il faut savoir, il a des piliers, surtout la bonne gouvernance, il faut qu'il y ait la société civile, état de droit, mais aussi les élections. D'une part, pour le cas des élections, les Burundais ont compris qu'effectivement, pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. On s'organise, vous voyez que pour mettre en place les organes et aussi les responsables du pays, on passe par les élections. Là, c'est une étape et une avancée pour les Burundais, même s'il y a à améliorer, mais il faut aussi voir que dans d'autres pays, ça ne reste pour la bonne gouvernance. Il faut voir est-ce qu'au Burundi, effectivement, la bonne gouvernance a des assises. C'est la raison pour laquelle nous devons améliorer le système de la bonne gouvernance pour lutter contre la corruption, pour lutter contre l'injustice. Mais aussi, il faut tenir compte que la société civile au Burundi ne travaille pas normalement comme il faut. Il y a la société civile qui travaille comme les partis politiques, jusqu'à maintenant qui n'ont pas encore compris leur cahier de charge. Mais aussi, il y a d'autres sociétés civiles qui ont travaillé. Mais une fois, quand on essaie de voir, c'est difficile de savoir qu'effectivement, vite pour bien sûr contribuer, pour donner clin d'œil au gouvernement, il y a aussi malentendu entre le gouvernement et la société civile. C'est ça ce qu'il faut améliorer. Mais aussi l'état de droit, il faut aussi tenir compte quand dans un pays il n'y a pas de l'état de droit, rien ne va. C'est la raison pour laquelle, si vous essayez de tenir compte de tous ces piliers, vous constaterez que nous avons à améliorer. C'est un processus alors. Le parti Prona encourage que les Burundais continuent dans un système démocratique et continuent d'améliorer tous ces piliers. De son côté, le parti Sawanya Frodebout trouve que la démocratie n'a pas encore été effective au Burundi. Pierre Claver Nahimana, président de son parti, espère l'effectivité du système démocratique dans le pays grâce à la volonté des Burundais. Suivez-le. C'est au cours de l'année 1993 que le parti Sawanya Frodebout, sous la houlette de son excellence Dada et Melchior, qui deviendra plus tard héros national de la démocratie, a demandé à tous les Burundais, au Burundi entier, au pays entier, d'adhérer à une gouvernance basée sur la démocratie. Depuis lors, le Burundi a fait son chemin. Effectivement, nous avons vu que pendant les années qui ont suivi, il y a eu certaines pratiques qui existent maintenant, qui se basent sur la démocratie pour gouverner le pays, notamment le système électoral. Le multipartisme a été installé au Burundi, la liberté de la presse a été installée au Burundi, et bien d'autres pratiques qui montrent que les Burundais ont répondu positivement à cet appel. Maintenant, à l'époque où nous sommes, effectivement, la question de se poser, où est-ce qu'on en est? S'il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. La démocratie, c'est un chemin. C'est un chemin qui est long. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça dans le cœur des gens pour leur dire, écoutez, maintenant vous êtes des démocrates. Si on connaît ce qui se passe Les Burundais ne veulent pas reculer, ils veulent avancer. Pour le moment, l'on constate qu'effectivement, les années passées, la notion de liberté d'expression est un élément fondamental dans la gouvernance démocratique. C'est fondamental. Mais l'on a constaté que ces dernières années, le pays a connu beaucoup de difficultés sur ce côté-là. Les années passées, on a connu plusieurs médias indépendants qui étaient là, mais actuellement, on constate que les médias indépendants dans lesquels les populations peuvent s'exprimer librement, ils ont diminué beaucoup. Un homme de 54 ans connu sous le nom de Munyankiko Bernard est blessé par une grenade lancée par des personnes non encore identifiées alors qu'il rentrait à la maison vers 20h30 ce lundi sur la colline Nyagisozi de la commune Busoni en province de Kirundo. Selon l'administrateur de la commune Busoni Dismas Savzimana, cet acte serait lié au conflit qui existe entre les personnes pratiquant de la pêche sur le lac Kweru. Savzimana interpelle la population de rester sereine et d'abandonner la pratique de garder les armes à feu au lieu de les acheminer vers les forces de l'ordre. Et deux personnes sont au cachot du commissariat communal de Busoni pour des raisons d'enquête. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé d'une minute au studio de la radio Isanganiro. Le journal continue. Les propriétaires des parcelles qui ont été transformées en sites déplacés dans les années 90 s'inquiétaient du sort qui leur est réservé après que le ministère de l'Intérieur ait annoncé que ces sites deviendront des villages dopés. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que le gouvernement devrait se prononcer sur la question d'indemnisation. Suivez Olivier Ngurunziza, représentant d'une famille propriétaire d'une parcelle située sur la colline Kibumbu, c'est en commune et province Bubanza. Je fais partie de la famille propriétaire de la parcelle de 8 hectares qui est aujourd'hui occupée par les déplacés. Elle a été transformée en site de déplacés en 1993. C'était à l'époque où certains gens se disaient persécutés sur leur colline d'habitation. Ils ont alors été relocalisés dans notre parcelle jusqu'à ce jour. Nous sommes confiés à la CNTB. Seules 34 familles ont régulièrement acheté la partie qui les occupait. Les 34 autres sont toujours réticents. Aujourd'hui alors, si le ministère annonce que ces sites seront bientôt transformés en village de paix, alors est-ce que nous serons indemnisés? Que sera la suite? Olivier Nkurunziza a été traduit en français par Oban Yonghoro. Sur ce, la Commission nationale des terres et autres biens estime que le gouvernement doit avoir prévu un système d'indemnisation de propriétaires de ces parcelles. Suivez Félicien Ndougou Burundi, président de cette commission. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Lorsque l'État prend une propriété d'un individu privé pour une réalisation d'intérêt public, le propriétaire est indemnisé préalablement. Je pense que celui à qui l'État a pris sa terre sera indemnisé. C'est-à-dire, l'État va lui donner une autre propriété ailleurs. Si c'est la propriété de l'État, cela ne cause aucun problème. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Si les déplacés occupent la terre de l'État, il n'y a aucun problème. Cette terre appartient à l'État. L'État, c'est l'État. Mais lorsque les déplacés occupent la propriété d'autrui privé, l'État donne à son privé une autre propriété égale à celle occupée par ces déplacés. Selon vous, alors, l'opération sera exécutée? Oui, oui, puisque l'État a des terres. On est en train de remettre à l'État des propriétés. Alors, l'État a des terres. Alors, lorsque une décision est prise par la commission au niveau de la délégation provinciale et qu'il y a une personne lésée, il fait appel au niveau de la sous-commission des recours, ici même au niveau de la CNTB. Si celui-ci également est lésé au niveau de la sous-commission des recours, il fait appel au niveau de la cour spéciale des terres très bien. Et au niveau de la cour spéciale des terres très bien, il y a deux chambres. Il y a la première chambre et la deuxième chambre. Si tu es lésé au niveau de la première chambre, tu fais appel à la deuxième chambre. Si tu es lésé à la décision prise au jugement rendu au niveau de la chambre 2, vous demandez une révision au ministre. C'est bien détaillé. Pénurie de ciment en province Ngozi il y a 2 semaines. Le prix a augmenté d'au moins 5 000 francs burundais par sac, voire plus, une fois disponible. Les grossistes de ce produit ne veulent pas en dire beaucoup, indiquant seulement qu'ils ont fait la commande et qui est en cours de route. Le gouverneur de la province Ngozi envisage de prendre des mesures pour que ce ciment soit disponible au prix fixé par le gouvernement. Apollinaire Mozagara. Sur pas mal de points de vente du ciment, que ce soit au marché central d'Ngozi, à l'endroit communément appelé la ferme et ailleurs, l'on indique que les stocks pour le moment sont vides. Mais pour certains, et de façon très discrète, ce produit est disponible mais cher. Un sac qui coûtait 24 500 francs bou se vend actuellement à 30 000 francs. Une situation qui dure à peu près 2 semaines en Ngozi. À la question de savoir les motifs de cette pénurie chez les grossistes, il ne rétorque que la commande est déjà faite, que sous peu son produit sera disponible. Même chez les semi-grossistes, la réponse est que les stocks reçus sont terminés. Les personnes ayant des chantiers qui sont dans le besoin de ce produit parlent de spéculation et demandent à qui de droit son intervention soit débloqué rapidement car ils craignent l'arrivée de la saison pluvieuse. Et puis Paul Debaranyikwa, gouverneur de la province Ngozi, promet de suivre de près ce dossier et envisage des sanctions à toute personne responsable de cette pénurie. Donc Ngozi, Apollinaire Mozagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Mozagara. La capacité de production de l'usine Bousseko est satisfaisante pour le marché national. Et 700 tonnes ont été distribuées ce lundi et plus de 800 tonnes de ciment vont être distribués ce mardi de façon équitable et sur tout le territoire national. Le directeur général du commerce l'a annoncé dans une conférence de presse après une visite et surprise à l'usine Bousseko pour s'enquérir de la situation. Chrysologue Moutoua a profité de l'occasion pour avertir les commerçants et commissionnaires spéculateurs qui cachent le ciment que des sanctions vont leur être infligées. Suivez-le. Le ministère du Commerce a suivi depuis un certain moment les spéculations qui se font autour de la vente du ciment Bousseko. Suite à ces spéculations, le ministère a pris en main ce dossier où Son Excellence Madame la Ministre du Commerce a pris les devants et a fait une visite surprise à l'usine Bousseko ce samedi pour s'enquérir des problèmes ou voir si réellement l'usine est en train de marcher. À cet effet, Son Excellence Madame la Ministre a constaté que l'usine était en marche et qu'il n'y avait aucun problème en rapport avec la production ou avec cette société. Je voudrais vous donner l'exemple. Bousseko vient de distribuer une quantité de 700 tonnes pour seulement qu'hier. Il y a eu du ciment qui a été distribué à Ngozi, à Gitega, à Muramvya et plus précisément à Bugarama, à Gatumba, en province de Bujumbura. Mais également, il y a eu du ciment qui a été distribué en mairie de Bujumbura, plus précisément dans les différents quartiers dont Buterere, Buyenzi, Kinama, Kamenge, Kanyosha, Asiatique, Kinindo et quartiers industriels. Hier, c'était environ 20 commerçants, mais aujourd'hui, il y a eu 23 commerçants. Le dispatching de ce ciment est, je dirais, géographiquement mieux réparti. Ceci va également nous permettre de suivre la commercialisation de ce ciment via ces grossistes. Avec l'appui de l'administration, de la population, nous allons essayer de suivre. Il faut que le public puisse nous aider à suivre cette commercialisation du ciment pour éviter les spéculations qui sont autour de la vente du ciment Bousseko. Nous avertissons les commerçants, spéculateurs. La récréation est terminée. Il faut qu'ils suivent les prix officiels. Celui qui va aller en dehors de ça sera en infraction. Des amendes leur seront infligées. Nous les avisons. Il a été constaté qu'il y a un groupe de ce qu'on appelle des commissionnaires qui ont commencé à apparaître et qui font la surenchère sur le prix du ciment où nous constatons que certaines quantités sont cachées pour qu'il y ait la rareté et ainsi spéculer sur ce ciment. Nous leur demandons d'arrêter ces spéculations à bon entendeur. Salut. Les agriculteurs sont appelés à payer le reste de l'avance pour la saison culturelle A de 2020-2021 à partir de ce mardi le 15 de ce mois jusqu'au 17 octobre dans le but d'avoir l'engrais chimique et la chaux. Dans une correspondance de ce vendredi le 11 de ce mois, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Deogui Deroulema, recommande aux administratifs sur tous les échelons d'en faire large diffusion. Le ministre Deroulema rappelle que le paiement du solde est sauvé en passant par la poste, les copecs et par l'UMICACH. Plus de 3 millions de plants d'arbres ont été déjà plantés dans la province de Ruyigi dans le cadre du programme national de reboisement baptisé Weburundurambayi. Néanmoins, 3 hectares de ces arbres ont été incendiés cette année sur la chaîne de montagne Birimé. Melchisedek Nizigimana, chef d'antenne provinciale de l'Office burundaise pour la protection de l'environnement, reconnaît que la protection des arbres plantés sur cette chaîne de montagne reste à désirer. Jean-Claude Nshimirimana. C'est surtout sur les chaînes de montagne Mungwe et Birimé et dans les propriétés privées qu'ont été plantés plus de 3 300 000 plants d'arbres dans la province de Ruigi dans le programme national de reboisement et Weburundurambayi. Ces plants d'arbres plantés dans 2 années sylvicoles sont composés d'arbres forestiers, des arbres agroforestiers et des arbres fruitiers, selon des précisions fournies par Melchisedek Nizigimana, chef d'antenne provinciale de l'Office de pour la protection de l'environnement. Celui-ci fait savoir que les stratégies de protection des arbres forestiers plantés sur la chaîne de montagne Mungwe sont satisfaisantes. Selon lui, en plus des coupe-feu, des positions de militaires y ont été implantées pour assurer la garde sur certaines collines de la commune Ruigi et au versant de la sous-région Mosso. Il y a des associations paysannes qui font la garde de ces arbres. Sur cette chaîne de montagne Mungwe, Sedek Nizigimana fait savoir que les arbres plantés dans le programme Eweburundurambayi sont jusqu'à présent épargnés de feux de brousse. Par contre, sur la chaîne de montagne Birimé, 3 hectares de ces arbres sont déjà partis en fumée sur les collines Chaga en commune Bgeru et Rutegama en commune Butezi, indique le chef d'antenne provinciale de l'OPPE. Selon lui, la criminalité étant la cause majeure de la plupart des feux de brousse dans la province de Ruigi, les arbres plantés sur cette chaîne de montagne risquent de subir plus de dommages parce qu'il n'y a pas un système de garde organisé comme ailleurs, sauf que la population est mobilisée à participer à l'extinction des feux de brousse chaque fois qu'ils surgissent. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. En cas de déficit immunitaire, le traitement dépasse de la cause. Dr Martin Manirakiza, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, précise que toutes les catégories de gens doivent prendre le repas groupé en 3 sortes d'aliments, dont les aliments de croissance, de force, ainsi que les sels minéraux et les vitamines. Il y conseille aux gens d'éviter la consommation excessive des aliments qui diminuent l'immunité, comme le sucre de sosumo, ainsi que l'automédication chez les femmes enceintes en Elamucho. Le déficit immunitaire est traité selon ce qui a entraîné la faiblesse de l'immunité. Dr Martin Manelakiza, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, précise que dans les pays développés, il y a des médicaments pour les personnes qui sont nées avec un déficit immunitaire congénital. Il faut agir sur la cause. Si on peut connaître la cause, du coup le problème est réglé. Si je donne l'exemple de l'infection à VIH qui entraîne une faiblesse de l'immunité, si on traite le VIH, l'immunité va être restaurée et la personne en question n'aura pas de soucis. Enfin, si je donne un autre exemple, en cas de diabète, l'excès de sucre entraîne une faiblesse de l'immunité et quand on traite le diabète, si le diabète est équilibré, la personne en question aura une immunité qui est suffisante. Pour les autres déficits où on ne peut pas faire le diagnostic ici, en Europe, il y a des médicaments substitutifs, c'est-à-dire on vous donne ce que vous manquez et ça existe en Europe. Ici, chez nous, il n'y en a pas encore. Ce spécialiste fait savoir que généralement, l'homme doit prendre une alimentation saine et équilibrée. Manger une alimentation saine et équilibrée où il y a tous les types d'aliments, les glucides, les protéines, les lipides, tout en soulignant qu'il faut diminuer les repas riches en sucre, surtout si je donne l'exemple du sosumo. Il faut aussi manger moins de graisses et surtout les graisses animales et privilégier plus les graisses provenant des poissons si je donne l'exemple. Et il faut privilégier une alimentation riche en légumes, en céréales, en fruits et aussi éviter les aliments, surtout les fruits qui ont été exposés aux pesticides. Une personne peut également renforcer le système immunitaire à l'aide de quelques vitamines, dont vitamine D et C. Et aussi, il faut manger des fruits qui contiennent vitamine C, qui intervient dans le maintien de l'immunité. Il faut aussi avoir des taux de vitamine D en quantité suffisante. Et ici, chez nous, il n'y a pas de problème parce que la vitamine D provient des rayons ultraviolets du sol. Il faut manger aussi les champignons, les produits laitiers qui sont connus pour augmenter l'immunité. Et aussi, un produit qu'on appelle propolis, qui sont produits par les abeilles. On en trouve en toute petite quantité dans le miel. Ça aussi, c'est connu pour augmenter l'immunité de l'organisme. Ce spécialiste rappelle que les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ont tendance à contracter des infections à répétition. Il ajoute également qu'il y a des maladies qui peuvent mener à l'élimination de l'immunité, telles que les maladies ou infections. Il signale que ceci comprennent les maladies ou des infections telles que le sida ou le coronavirus. Merci Ornella Mucho. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce mardi. Merci de nous avoir prêté oreille attentive et merci à Madame Séraphine Akizmana pour sa collaboration technique. Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Passez un bon après-midi. Au revoir.